une deuxième question. Tu as peut-être empiéter sur le sujet de l'enseignement secondaire qui est arrivé après. Je voulais savoir si vous pouvez dresser un bilan ou au moins des conséquences que les contraintes politiques, financières, de quotas, etc., qui pèsent sur les IUFM. Il n'y a plus d'UFM. C'est réglé. École supérieure de professeurs. Oui, enfin, est-ce qu'on peut dresser un bilan des conséquences des contraintes qui pèsent sur les IUFM? Financière, politique. Politique, je vais en parler un tout petit peu, mais financière, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est des bilans, ça a été fait. Enfin, je ne peux pas répondre à ça pour l'instant. Je ne vais pas regarder. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été rattaché directement finalement aux universités. On a créé des UFR, donc en gros des départements pour les gérer, sans qu'il y ait de moyens pour créer ces départements-là. C'est-à-dire qu'en fait, à périmètre budgétaire équivalent, on a rajouté une pièce de plus. Et c'est une situation qui est assez délicate. Et en fait, on va demander davantage aux collègues. Parce qu'évidemment, quand on prépare les étudiants à présenter des concours, ça demande des sacrifices pour tout le monde, voilà. Mais après, je ne vais pas regarder, pas davantage en tout cas. On sait aussi que le fait de mettre des stagiaires à plein temps, on est en train de revenir un peu dessus, mais on sait bien que ça répond uniquement à des contingences budgétaires. Ça, c'était vraiment, pour le coup, uniquement dicté par de l'économique, puisque c'était une manière de ne pas recruter d'enseignants en plus. Et la formation à 6 heures que moi j'ai connue, la formation 6 heures en IUFM et 6 heures en établissement et le reste en IUFM était une formation extrêmement coûteuse. Oui, je voulais revenir sur la situation de Montpellier en particulier, et je suis entièrement en phase avec ce que disait Marc, mais on peut quand même signaler qu'on est à la fois à Montpellier 3, Paul Valéry, donc dans une situation d'un signe faiblesse, puisque c'est les arts et spectacles et les humanités qui sont cantonnés là. On a une réputation absolument abominable qui s'est construite depuis très longtemps. C'est effectivement la fac poubelle de la région. C'est ce que les professeurs de classe préparatoire, je le crains, disent à leurs étudiants, à Joffre en particulier, et tous, dès qu'ils ont fini leur CAN, leur première et leur seconde CAN, vont partout, sauf chez nous. Ils partent à Lyon, en général, ils ont les moyens économiques de partir à Lyon ou à Paris. Mais d'un autre côté, il faut bien reconnaître que les options politiques qui ont été prises depuis une quinzaine d'années, bon, ça fait 11 ans que je suis là, et j'ai bien pu constater qu'on a été préservé dans une large mesure par un certain nombre de choix qui ont été très polémiques, qui ont donné lieu à des affrontements assez durs, des choix, on peut dire, qui ont été faits en définitive sous la direction d'Anne Freiss, refuser la fusion en particulier, dont on sait ce qu'elle a donné à Aix. Et de fait, finalement, on a réussi à préserver pas mal de choses. En particulier, il y a une sorte de contrôle collectif, une espèce de conscience collective qui s'exerce autour des décisions prises ou pas prises quant aux primes, les PP, etc. On peut dire qu'il y a une certaine, quand même, un certain contrôle, il y a un certain autogouvernement des enseignants-chercheurs à l'Université de Montpellier 3. Alors, pour revenir aussi une seconde sur l'affaire de Béziers, qui me tient beaucoup à cœur, parce que j'ai fait maintenant presque tout mon service, donc cette antenne qui a failli disparaître la dernière, dont on nous annonce qu'elle va probablement disparaître l'année prochaine, la substitution d'un établissement en privé, en fait, pour répondre à la remarque que vous faisiez tout à l'heure, elle ne vise pas du tout le même public, évidemment. Le discours de Ménard consiste à dire, bien sûr, il ne faut pas supprimer toute offre universitaire à Béziers, ce n'est pas l'intérêt de la ville. En revanche, toutes ces disciplines inutiles qui ne sont pas directement professionnalisantes et qui, pire encore, pourraient développer de l'ingouvernabilité ou de l'esprit critique en général chez la clientèle étudiantine, ça, évidemment, il faut s'en débarrasser. Il est bien évident que les formations en dentaire ou toute une série de choses qui vont se substituer n'auront pas la même clientèle. Nous, la clientèle que nous avons, sont des gens, et moi ça me frappe toujours, je l'ai encore vu ce matin, en particulier en L1, c'est très dur. On a des gens qui sortent des filières techniques, qui ont eu des bacs techniques, qui n'arrivent pas à rédiger clairement une phrase, une page entière en français correct. Auxquels on a beaucoup de mal à faire des exposés, qui posent des problèmes de discipline, Moi, je passe pas mal de temps en Hélas, c'est très pénible à faire de la discipline. Et pourtant, ce sont les gens, c'est ça qui me frappe le plus, qui reviennent. C'est-à-dire qu'à la fin du semestre, contrairement à ce qui se passe plutôt à Montpellier, on n'a pas la même clientèle, la clientèle est moins défavorisée, il y a très peu de déperdition de public en cours d'année. Il y en a beaucoup à la fin, parce qu'ils ont tous des notes abominables. Sur 70 étudiants, il y en a une quinzaine qui en arrivent à mettre la moyenne, qu'on arrive à faire passer. Mais les autres sont là quand même. C'est-à-dire qu'on finit par leur gueuler dessus, parce que c'est épuisant de faire cours pendant qu'ils parlent, et ils n'arrivent pas à se concentrer très longtemps. On les vire souvent de cours, bah, comme dans le secondaire, quoi. Mais ils reviennent. Moi, parfois, ils arrivent, allez au café, il y a des cafés. Moi, je parle avec un de mes collègues, qu'est-ce que vous faites là? Ils reviennent, et alors, moi, c'est vraiment quelque chose qui presque m'émeut, hein, parce que donc, ce sont des jeunes gens qui ont 17-18 ans, qui ne sont pas méchants, emmerdants, ils ne sont pas méchants. Manifestement, ils ne savent pas quoi faire. Ils se sont engagés nulle part ailleurs. Et alors, c'est une question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Hein. Et pourquoi est-ce qu'ils sont là? Je vois en L3 un public beaucoup plus gratifiant, qui est très attentif. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ils ne sont pas très forts, pour la plupart d'entre eux. Ils ont du mal, ils ont des problèmes rédactionnels. Mais ils boivent nos paroles. Moi, je leur parle de la réforme grégorienne, je leur parle des liens entre religion et politique au milieu du Moyen-Âge. Bon. Ils écoutent, ils ont du mal aux examens, pour beaucoup d'entre eux. Mais on comprend bien qu'on joue un rôle ici qui est complètement intraduisible économiquement, qui du point de vue de la Sarkozy n'a aucun sens, il n'y a aucun doute, mais qui pour moi en a, et qui devra en avoir encore, me semble-t-il, pour beaucoup de gens. Avec les L1, c'est encore autre chose. Ça engage vraiment des problématiques de socialisation, des problématiques de rapport à l'institution scolaire. Voilà, c'est un peu un mystère, mais c'est une situation singulière, hein, quand même qu'il faut, et qu'on ne peut pas comme ça régler, dont on ne peut pas dire le dernier mot comme ça facilement. Alors le dernier mot, il va être dit de manière économique, et de toute façon, ces gens-là, on ne peut plus les voir, mais au sens littéral, il faut les rendre invisibles. Voilà, ça, d'accord. Ça fait partie du projet néolibéral de transformation de la société que de rendre toute une série de catégories de gens invisibles. Mais à Béziers, voilà, on est encore confronté à une certaine visibilité de ceux qui sont censés devenir invisibles. Ouais. Enfin, c'est d'accord parce que... Oui, mais c'est intéressant. Ouais. Il faut absolument que je parle maintenant, oui, en fait. Oui. Parce que voilà. Julien vient de m'offrir une sorte de transition absolument extraordinaire. Parce que tu as posé en fait une question fondamentale qui est la question de l'enseignement de l'esprit critique. C'est-à-dire, à votre avis, est-ce que l'esprit critique s'enseigne en situation de chahut, comme tu l'as développé, ou en situation de « il gobe mes paroles » ben, on est exactement dans la problématique que je voudrais développer. C'est-à-dire, évidemment, je caricature un peu, mais c'est une étude de cas. En situation d'enseignement, effectivement, comment s'enseigne l'esprit critique? Est-ce que l'esprit critique s'enseigne de par la tolérance du fait de la contestation? Ou est-ce que l'esprit critique s'enseigne uniquement par une posture d'adhésion aux paroles de l'enseignant? Alors j'y reviendrai parce que, évidemment, ça va être un petit peu au cœur de mon intervention. Mais je voudrais d'abord commencer par vous remercier, Michel, parce que ça vous a valu quelques tracas, l'organisation de ce séminaire. Et nous avons fait une sorte de, non pas de politique de subversion, mais enfin quand même, il nous a semblé qu'à partir du moment où on parlait d'esprit critique, de critique dans l'espace public, de critique dans l'école, de critique dans l'espace académique, on ne pouvait pas ne pas aborder, étant donné que j'en suis aussi l'une des instigatrices avec Julien et d'autres, on ne pouvait pas ne pas aborder la question de Blois. Et nous savons que nous sommes à l'École des hautes études en sciences sociales, que ce qui s'est passé à Blois a forcément interpellé et secoué très fortement cet espace et ce lieu, et que donc je trouve que vous avez été courageux d'accepter de nous accueillir et d'accepter de répondre aussi à ce que vous vous êtes pris à cause de nous. Voilà, donc je voulais le dire pour commencer. Et puis ensuite revenir un peu sur la généalogie de ce séminaire quand même, parce que lorsque j'ai pris connaissance de ce colloque et de ce livre ensuite, j'ai eu bien sûr envie de le lire parce que ce sont des problématiques qui m'intéressent particulièrement. Et ce sont des problématiques qui s'attaquent à l'école de façon extrêmement accrue, extrêmement forte, mais sous des angles qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux que vous venez de décrire, Marc et Frédéric qui est parti, et Julien un petit peu. Cette question de la marchandisation de l'école, cette question de l'école attaquée par le néolibéralisme et de tous ses effets sur la question de l'esprit critique, elle ne recoupe pas du tout les clivages comme on pourrait s'y attendre, pas du tout les clivages droite-gauche, ça c'est certain, et pas du tout non plus les clivages progressistes-réactionnaires. C'est-à-dire que lorsque on arrive, on sait bien, nous qui sommes un petit peu politisés, on connaît les travaux de Laval, de Nico Hirt, etc. Mais quand on arrive dans l'espace scolaire et qu'on discute avec nos collègues et qu'on pointe des excès du type, des excès dont on parle depuis 4 ans ici, hein, des excès de vocabulaire, par exemple, pourquoi est-ce qu'un chef d'établissement considère qu'il pilote un établissement au lieu de le diriger ? Pourquoi est-ce que toute cette rhétorique du management, les compétences, etc., j'y reviendrai, pourquoi est-ce que ça nous pose problème parce que ça s'indexe de façon beaucoup trop criante au monde de l'entreprise ? Pourquoi est-ce que la question de l'autonomie des établissements n'est pas si évidente alors que certains collègues nous disent « mais super !» Il faut se désengoncer un petit peu de cette emprise de l'État et enfin on va nous laisser faire ce qu'on veut et enfin les directives seront moins pesantes et enfin on nous propose, on nous ouvre la porte pour faire des projets et pour sortir un petit peu de ce cadre extrêmement contraignant des programmes, de l'inspection, etc. Et puis les évaluations par compétences, super, supprimons les notes par bienveillance, etc. Et puis on verra que toute cette espèce de liberté qui s'engouffre par les portes de l'école, tout ça va nous fournir une sorte d'oxygène, de souffle d'air, etc. Et les gens qui disent ça sont des gens bien, sont des gens qui sont impliqués dans leur métier, sont des gens qui aiment ce qu'ils font, sont des gens qui réfléchissent aussi parfois à l'école, sont parfois des gens qui sont syndiqués, etc., qui sont très mobilisés, qui sont militants. Et donc, ce n'est pas forcément un discours, cette question des attaques néolibérales, n'est pas forcément un discours qui fédère la résistance de gauche, si j'ose dire. Et donc, elle est parfois difficile à entendre et elle est difficile à déconstruire aussi, ou à critiquer. Donc, du coup, j'avais envie aussi de faire le compte-rendu de ce livre sur Aggiornamento, parce qu'Aggiornamento, c'est principalement un site qui est lu par des collègues du secondaire, et qu'à Aggiornamento, nous sommes très, très clivés sur cette question, justement. Voilà, donc c'était l'origine de ce séminaire. La deuxième origine, je vais rentrer dans le vif du sujet, elle est plus professionnelle. Depuis l'année dernière, il y a une nouvelle épreuve au bac. Et c'est une épreuve qui s'appelle le commentaire critique. Alors, c'est la première fois officiellement que dans des épreuves d'examen apparaît la terminologie critique. Bon, pourquoi pas, nous ça nous va bien, professeur du secondaire, de faire des commentaires critiques. Alors moi j'enseigne au lycée de Nanterre, un lycée qui est dans un quartier extrêmement populaire, enfin c'est le seul lycée de Nanterre, enfin c'est un lycée qui accueille des populations qui sont très très reléguées socialement, c'est un lycée qui peine, c'est un lycée dans lequel c'est difficile, c'est un lycée dans lequel le chahut dont tu parles est une situation normale, c'est le silence qui est très inquiétant. Donc voilà, et un jour en travaillant cet exercice de commentaires critiques, un de mes lycéens de terminale L, relégué, alors les terminales L à Nanterre, si vous voulez, c'est vraiment une sorte de double stigmate. Et un jour, donc, cet élève me dit « Qui suis-je pour critiquer ?» Il s'énerve, je lui dis « critique, parce qu'au fond, c'est ça qu'on fait, hein. Mais il faut critiquer, pour critiquer. » Il me répond « Mais qui ?» Je ne dis pas « Qui suis-je ?» Je dis mais « Qui suis-je pour critiquer ?» Il balance son truc, il dit « Mais qui je suis pour critiquer ?» C'est une formule absolument formidable. D'abord parce que « Qui suis-je ?» Vous voyez, évidemment, à tout ce que ça peut renvoyer, qui suis-je en tant qu'élève et qu'est-ce que je fais là, c'est une très très bonne question que certains enseignants se posent aussi de plus en plus. Et qui suis-je pour critiquer, évidemment, ça nous accule, nous, enseignants, à mettre des mots sur ce qu'on entend par critiquer. Et je vais du coup essayer de répondre un petit peu à la question que vous avez posée à Frédéric. Ça m'a évidemment fortement interpellée et je me suis dit, je vais écrire un article qui s'appelle « Qui suis-je pour critiquer ?» Et cet article que j'ai donc écrit, qui va être publié, je l'ai tricoté, on va dire, sous plusieurs angles et sous plusieurs échelles. D'abord, je suis allée regarder quand même quelle était la place dans les terminologies officielles de programme de ce mot critique. Disant si soudain il fait irruption comme ça dans un examen terminal, est-ce que c'est comme un cheveu sur la soupe ou est-ce que c'est une terminologie qui est extrêmement fréquente dans les prescriptions ou qu'est-ce que ça veut dire ? Ensuite, je me suis demandé, parce que j'enseigne l'histoire et la géographie et que j'ai une formation d'historienne, je me suis donc demandé ce que cette posture ou cet esprit, c'est pour ça que j'ai appelé ça esprit et tu l'as, mais esprit ça ne veut rien dire, ce que ça voulait dire par rapport à ma discipline. Qu'est-ce que ça voulait dire faire preuve d'esprit critique lorsque on apprend et lorsqu'on enseigne l'histoire-géographie. Je me suis du coup demandé quelle était la pédagogie, parce que la pédagogie n'est pas un gros mot, quelle était la pédagogie qui pouvait fluidifier, rendre possible cet enseignement de la critique. C'est pour ça que je disais de façon un petit peu ironique, est-ce que, après tout, ce n'est pas aussi le fait d'accepter le chahut, hein, qui est une manière d'enseigner la critique. Et enfin, je me suis demandé quels étaient les processus d'empêchement à l'œuvre aujourd'hui pour enseigner l'esprit critique. Voilà comment j'ai construit cet article et voilà comment je vais vous le résumer en quelques mots devant vous. Les prescriptions d'abord. J'ai donc fait un comptage très laborieux dans les prescriptions, dans tous les textes prescriptifs de l'école primaire jusqu'à la fin du lycée, et dans toutes les disciplines, pas essentiellement dans la mienne. Le nombre d'occurrences critiques est absolument phénoménal. C'est une tarte à la crème de l'éducation nationale. Alors, c'est apparu à peu près dans les années 60, mais les derniers programmes, et notamment avec le socle commun, les derniers programmes produisent une espèce d'injonction à la critique, vous voyez immédiatement le paradoxe, une espèce d'injonction à la critique. Alors l'histoire, géographie n'est pas la plus touchée par cette invasion de l'esprit critique. Toutes les disciplines le sont, et ce sont d'ailleurs les disciplines scientifiques qui sont les plus affectées, pour reprendre votre mot. Il y a une affectation maintenant de la critique aussi sur la scientificité et sur les savoirs scolaires. Donc une espèce d'inflation de cette terminologie de l'esprit critique, et évidemment cet adjectif critique s'accompagne, c'est très difficile de savoir ce qu'il faut qu'on mette dans la critique, devant la critique, hein, avant même de savoir ce qu'on met dedans. Donc s'accompagne d'une sorte de faisceau de mots qui s'étend du jugement, de la conscience, de l'écoute, du regard, de la culture, de la perception, de l'exploitation, de la posture, de l'esprit, de l'étude, de la démarche, de l'usage, de la curiosité, de la réflexion, de la compétence critique. Je ne vais évidemment pas prendre chacune des expressions les unes après les autres pour essayer de voir ce que ça veut dire. Enfin, vous voyez quand même qu'on a bien un effet que l'on peut qualifier, un effet de neutralisation de la critique par cette injonction et par cette espèce de dilution dans une terminologie qui est absolument informelle, informe et évidemment jamais explicitée. Donc, une inflation de la question critique dans les prescriptions. Maintenant, évidemment, comme ce n'est jamais explicité, le sens que l'on met derrière cette critique, derrière ses postures, ses démarches, ses compétences, etc., on est bien obligé de se demander ce que ça peut vouloir dire, la pensée critique, l'esprit critique. Question que vous êtes évidemment posée. Question qu'un enseignant, à un moment donné, question à laquelle un enseignant, à un moment donné, est obligé de répondre lorsqu'un de ses élèves ou de ses étudiants lui demande « Qui suis-je pour critiquer ?» Et je suis sûre que vous seriez bien en peine là, si on faisait l'exercice, d'essayer de trouver une définition simple, simple à transmettre, simple à enseigner sur ce que c'est que l'esprit critique. Alors si on fait un petit jeu, voilà comment moi j'ai essayé de penser un petit peu les choses. L'esprit critique, c'est le fait d'admettre, d'avoir, on va dire, la possibilité de dégager les enjeux d'un savoir. De postuler qu'un savoir, qu'il soit scolaire ou scientifique, est une construction. Pour rappeler justement ce que vous disiez tout à l'heure sur la déconstruction. d'être à même de déjouer les effets de domination qui sont à l'œuvre derrière la construction de ce savoir. D'être du coup à même, lorsqu'on est en position d'écoute béate, de déjouer les effets d'imposition qui sont à l'œuvre dans une relation pédagogique. Et qui sont énormes. Et de se poser la question ensuite de savoir à quoi ça sert, question qui n'est quasiment jamais abordée dans l'école, à quoi ça sert ce savoir et comment est-ce que je vais pouvoir rejouer ce savoir dans l'espace social, dans la société, dans l'avenir, etc. Puisque quand on est à l'école, on est dans une logique de projection. Et d'accepter du coup qu'on ait une forme de dissidence possible, voire de désobéissance possible par rapport à l'effet de vérité qui se joue dans la transmission de ce savoir. Ce qui évidemment est absolument impossible à expliquer à un élève. Parce que pour un élève, et qui plus est dans un élève, pour un élève qui est dans un quartier extrêmement, enfin dans un lycée extrêmement relégué, et donc sur laquelle aussi jouent des processus, on va dire, d'autodisqualification très très forts, qui sont dus aux origines sociales, etc. Vous connaissez bien, il y a plein d'études sociologiques là-dessus. Pour un élève, la critique, c'est pas simplement le fait de dire ce n'est pas vrai, ça c'est pour tous les élèves. Critiquer, c'est dire ce n'est pas vrai ou ce n'est pas bien. Hein. D'abord c'est ce n'est pas bien, ensuite ce n'est pas vrai. Mais pour un élève aujourd'hui, la critique, c'est le paradigme du dévoilement de ce qui est caché. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace dans le secondaire aujourd'hui, dans les lycées, et notamment qui est très efficace par rapport aux logiques complotistes. Si la critique devient le fait de dévoiler ce qu'on nous cache, alors on comprend particulièrement bien que tout, vous savez, ce dont on parle aujourd'hui sur cette idéologie complotiste, enfin voilà, hein, on nous ment, les médias nous mentent, tout le monde nous ment, et au premier chef, évidemment, les profs nous mentent, on comprend parfaitement bien que la seule critique qui fonctionne de façon, je veux dire, presque instinctive chez nos élèves dans ce type de quartier, c'est celle-ci. C'est le fait de dire « on nous ment ». Donc, évidemment, comme il ne faut pas en rester à la question du « on nous ment », il faut trouver une espèce de pédagogie qui permette de dire que la question n'est pas de savoir « on nous ment », mais la question de savoir « qu'est-ce qu'on veut vous faire comprendre dans l'étude de cet objet ?» Et comment est-ce que je peux aussi vous faire admettre que vous avez le droit de ne pas être tout à fait d'accord avec ce que je dis? Ça veut dire, évidemment, quand on est dans une posture d'enseignement d'histoire, c'est extrêmement compliqué. Vous voyez bien qu'il n'est évidemment pas question d'admettre qu'un élève puisse dire « ça n'a pas eu lieu ». Vous voyez bien de quoi je parle. Donc la question n'est pas de dire « ça n'a pas eu lieu », mais la question est de poser « pourquoi est-ce que tout ça a eu lieu ? Comment ça a eu lieu ? Et comment on en est arrivé à l'idée que je vous enseigne que ça a eu lieu de cette façon-là ? Et comment est-ce que j'aurais pu vous enseigner un « ça a eu lieu » autrement ? Donc tout ça pose des questions pédagogiques qui sont excessivement sensibles, qui sont très compliquées, sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre. Mais en tout cas qui, à mon avis, appelle de la part de l'enseignant le fait d'accepter d'être mis dans l'inconfort. Ce qui n'est évidemment pas du tout à leur... c'est pas du tout dans l'eau, comment on dit, dans l'air du temps. Hein. Le fait d'accepter qu'en tant qu'enseignant, on soit mis dans l'inconfort et on soit bousculé par d'éventuelles dissidences ou en tout cas par des effets, on va dire, de non-acceptation immédiate du discours qui est tenu par un effet d'autorité. Pédagogie de l'inconfort, c'est une pédagogie qui est aujourd'hui de plus en plus empêchée. J'en arrive donc à mon second point, et qui est empêchée par cette espèce de foire de réforme que subit aujourd'hui l'espace scolaire, enfin le système éducatif en général et l'espace scolaire en particulier. Alors je vais faire un espèce d'inventaire pour vous montrer quelles sont les réformes qui vraiment touchent à cette question de l'enseignement de l'esprit critique ou de l'apprentissage de l'esprit critique. La première, vous avez parlé tout à l'heure des UFM. Alors, au risque de m'attirer les foudres peut-être de certains d'entre vous, je pense qu'il y a une raison qui est rarement donnée dans la gravité de la suppression des UFM, c'est que ce qui s'y faisait était souvent d'une telle nullité, appelons un chat, que c'était les lieux où pouvait se développer pour la première fois une sociabilité de la contestation, qui est à mon avis un élément d'identité professionnelle extrêmement utile et fort lorsqu'on veut enseigner dans le secondaire. Et je ne plaisante qu'à moitié, puisque pendant une journée au temps des UFM, je m'en souviens très bien, c'était la journée du mardi, ça s'appelait la formation générale, c'est-à-dire la formation, truc pour lequel on ne savait même pas de quoi il était question, eh bien c'était le moment où les jeunes stagiaires se retrouvaient tous, ce qui n'arrive jamais, parce que les réformes, ça supprime ça aussi, ça supprime la sociabilité professionnelle. On n'en a pas parlé, mais ces atomisations, c'est aussi des manières de faire que plus personne ne se croise. Hein. Donc l'UFM était un lieu où les jeunes enseignants se croisaient et pouvaient dire tout le mal de ce qu'ils pensaient de leur formation. Mais évidemment, une fois qu'on a dit c'est nul, c'est pas suffisant, il faut bien trouver des arguments pour poser des mots sur ce qu'on estime être nul. Eh bien, croyez-moi ou non, il n'y a pas d'enquête, donc je ne pourrai pas vous administrer la preuve, mais je suis à peu près persuadée que l'esprit critique des enseignants s'est aussi forgé dans ces lieux et que c'est, à mon avis, extrêmement délétère de les avoir supprimés. Maintenant, dans le secondaire, de façon peut-être un petit peu plus concrète et qui va peut-être vous parler davantage, tout à l'heure, Frédéric, avant de partir, a parlé en effet de cette vogue des éducations A. De plus en plus, on observe une dépossession disciplinaire sur les professeurs du secondaire. Alors on peut dire que, après tout, pourquoi pas, hein, les disciplines scolaires sont des choses qui sont vivantes aussi, donc elles s'agrègent, se désagrègent, se nourrissent de nouveaux savoirs, etc. Sauf que vous voyez bien que dans les éducations A, donc éducation au développement durable, éducation à la sécurité routière, éducation à la mémoire, bientôt éducation à la Shoah, je ne sais pas ce que veut dire cette formule, elle est absolument terrifiante quand on la dit comme ça, mais elle existe. Dans toutes ces éducations à la citoyenneté, etc., il y a une forme d'injonction qui est une injonction ministérielle qui nous empêche absolument de réfléchir à la possibilité de ne pas adhérer à tout ce qui est mis derrière ces éducations A, et puis surtout qui nous empêche de se saisir de l'épistémologie des disciplines pour pouvoir justement essayer d'y mettre un petit peu d'esprit critique. Donc ça, c'était quelque chose qui est aussi particulièrement dangereux. La mise en avant et la fébrilité autour des compétences et surtout du pilotage par l'évaluation de ces compétences. On observe aujourd'hui une standardisation de plus en plus forte des items évaluables pour les élèves comme pour les enseignants. Alors vous savez qu'il y a une grille de 10 compétences pour être enseignant, vous ne savez peut-être pas d'ailleurs, il y a une grille de 10 compétences pour être enseignant et donc les inspecteurs cochent, hein, pour savoir si c'est acquis en cours d'acquisition. Alors par exemple, vous voyez, une compétence en cours d'acquisition, je ne sais pas quelle compétence n'est pas en cours d'acquisition. C'est un non-sens. Enfin, je pense qu'on peut tous dire à un moment donné, on peut tous statuer, au moins pour s'en protéger, on est tous quand même en cours d'acquisition de toutes les compétences qu'on veut. Donc, des items qui permettent d'évaluer des compétences et qui, du coup, évidemment, donnent une vision extrêmement standardisée du métier et donnent une vision extrêmement standardisée aux élèves des enseignements. Tout ça pour favoriser un pilotage, tout ça pour favoriser des logiques d'efficacité, tout ça pour favoriser des logiques de rentabilité, pour favoriser des logiques de mise en concurrence, pour pouvoir apparaître dans le tiercé gagnant le jour où le Nouvel Obs publie son palmarès des meilleurs lycées. Donc vous voyez cette espèce de chose qui fait que, comme on dit dans une série absolument merveilleuse que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vue, dans la saison 4 de The Wire, aujourd'hui, on teach the test, hein, on apprend le test, là, mais on n'apprend plus les mathématiques, c'est un prof de maths en l'occurrence qui fait cours, et il se rend compte que pour avoir le budget pour son école, hein, pour avoir les fonds, il est de toute façon obligé que ses élèves réussissent donc ils teach the test et ils teach plus les mathématiques, eh bien nous n'en sommes pas forcément très très loin, hein, puisque pour valider un livret de compétences, quel que soit le nom qu'on met derrière, parce que le ministère adore changer les noms pour faire croire que tout est bouleversé, tant que de toute façon il y aura toujours ce pilotage par un livret qui permet à un moment donné de dire ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, et lui est prêt, le produit est fini, à partir de ce moment-là, c'est évidemment impossible d'y mettre toute forme de critique. Coercition de plus en plus forte aussi au niveau des inspections, qui est liée à ce que je disais tout à l'heure sur cette standardisation des items évaluables. L'inspection arrive et l'inspection dit à telle date, vous devez avoir fini telle chose, vous devez avoir fini tel élément du programme, vous devez en être là, etc. Vous devez pouvoir me montrer sur un document numérique qui est conservé pendant 5 ans, les cahiers de texte numérisés, vous devez pouvoir me prouver sur document numérique conservé pendant 5 ans que vous êtes dans les temps au niveau de votre progression. C'est-à-dire qu'une inspection aujourd'hui est un moment de dialogue qui ne porte quasiment plus sur les contenus, mais qui porte sur la capacité à aller au bout. Cette idée de la cadence est évidemment un des aspects aussi de ces empêchements de la critique. Cadence des programmes qui sont absolument infaisables si on se conforme à la temporalité qui est demandée, des programmes qui sont évidemment extrêmement lourds et qui du coup n'appellent qu'une pédagogie, celle du cours magistral. Et la pédagogie du cours magistral, je ne suis pas certaine que ce soit la plus appropriée pour provoquer de l'inconfort et pour justement laisser place à possibles oppositions et aux possibles critiques. Sur le plan maintenant des prescriptions en histoire proprement dite, donc des programmes d'histoire, après je ne sais pas ce que ça donne dans les autres disciplines, dans les programmes d'histoire, il y a des manières formelles de réécrire aujourd'hui les programmes d'histoire qui sont aussi des manières d'empêcher la critique. Donc vous voyez l'injonction paradoxale, l'inflation du mot critique, et puis en même temps des réécritures de programmes qui dans leur forme empêchent la critique. Pourquoi ? D'abord parce que c'est la première fois dans l'histoire des programmes, c'est la première fois en 2008 que les programmes intègrent dans leur écriture les démarches à suivre. Jusque-là, des programmes d'histoire, c'était une somme de connaissances, enfin une somme, voilà, on va étudier la Deuxième Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale, on fera collaboration, etc. Aujourd'hui, les programmes de collège, en tout cas, introduisent dans leur manière d'écrire les démarches à suivre. Et les démarches à suivre sont extrêmement problématiques pour un historien. Et là, pour le coup, on touche vraiment à l'épistémologie de la discipline. Il est demandé d'entrer par une étude, qu'on n'appelle pas une étude de cas, mais enfin comme une étude de cas. Il est demandé donc d'entrer par une étude particulière et à partir de cette étude particulière, de généraliser. Je vous donne un exemple. On entre dans la Première Guerre mondiale par Verdun et le génocide des Arméniens. Bon courage pour généraliser. Si Frédéric était là, il serait outré. On entre dans la Deuxième Guerre mondiale par Auschwitz. Autrement dit, on fabrique, donc non seulement on fabrique des idéal types, et l'idéal type n'est pas forcément l'objet le plus approprié pour travailler la complexité. Donc on fabrique des idéal types et on valide la possibilité d'une généralisation à partir du particulier, ce qui, à part quand on s'appelle Carlo Ginzburg et encore, est particulièrement problématique pour la question de l'écriture de l'histoire. Donc on est dans un contresens complet par rapport à l'épistémologie de la discipline. Et on est en plus dans une méthode qui est une méthode qui, de façon très insensible, empêche toute possibilité de l'apprentissage, de la critique nécessaire au raisonnement historique. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été trop longue. Dans ma liste d'inventaires, de toute façon je pourrais reprendre aussi tout ce qu'ont dit mes collègues. Ah oui, si, je voudrais quand même juste aussi ajouter le fétichisme des nouvelles technologies. Quand même, parce que aujourd'hui on se soucie beaucoup de savoir si lorsqu'une jeune fille a un foulard sur la tête, c'est une grave atteinte à la laïcité. on se soucie beaucoup moins de savoir si lorsque des logiciels privés ou des partenariats avec des entreprises privées pénètrent les établissements scolaires, est-ce que ce n'est pas aussi une atteinte à la laïcité ? Parce que je sache, on est bien dans une logique quand même d'intrusion du privé dans le public, ce qui, à mon sens, relève aussi de la définition qui est imputable à celle de la laïcité. Ça, c'est quelque chose qui est absolument impensé aujourd'hui dans l'espace scolaire. Or, on assiste vraiment à une... ruée vers l'or, je vais dire, des entreprises privées via des partenariats qui sont souvent évidemment très très généreux, hein, vous vous en doutez, mais qui posent quand même un certain nombre de questions à l'indépendance de l'enseignement et du système du service public en général. Voilà, donc juste pour conclure. Des programmes, des postures, des injonctions qui, à mon avis, découplent l'école de la critique au lieu justement de les rendre compatibles, et des réformes, des acceptations, on va dire, de lignes réformistes particulièrement problématiques, indexées uniquement à des questions budgétaires, qui, elles, empêchent toute possibilité d'exercer, à mon avis, son métier dans des conditions propices à l'apprentissage de l'esprit critique. Voilà. Très bien. Question. C'est pas une question, mais c'est un constat. C'est-à-dire que vous avez parlé de la génération de professeurs formés en IUFM qui avaient pu se forger un esprit critique. Et en fait, les formations dans les ESPE aujourd'hui sont pas meilleures. Non. Pas de raison. C'est rassurant. Oui, mais ils sont beaucoup moins. Pardon ? Les professeurs stagiaires, ils sont beaucoup moins dans les ESPE. Alors peut-être, mais en fait, il y en a quand même, et qui essayent de développer un esprit critique. Et là où c'est pire, c'est que nous, on nous menace de ne pas nous titulariser. Ah oui, mais ça existait déjà. Mais ça, c'était. Ça existait déjà, oui, mais alors si on ne remplit pas, trop note, etc. Oui, bien sûr. Alors, nous, ça nous permettait, enfin, au temps des UFM, ça permettait par exemple de découvrir ce qu'était un syndicat. Parce qu'évidemment, ils passaient et ils disaient, vous savez, si on vous menace de ne pas titulariser, vous pouvez. Mais bien sûr qu'il y a ces menaces. C'est un fusil sur la tempe. Ben si, en fait. Parce qu'on va être obligé de le faire alors qu'on est contre. Et en fait, c'est complètement débile parce qu'en plus, quand on remplit le texte, on nous demande de forcément faire une séquence par heure. En fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Et ensuite, ils vont s'en servir pour dire mais si, tout se passe bien, ils arrivent totalement à faire leur cours en 55 minutes. Voilà, donc en plus, on nous demande, enfin, on nous prévient de la façon dont il faut le remplir. Oui, ben voilà, ça rejoint ce que disait le collègue tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez déjà les résultats avant le processus, mais c'est, oui, c'est tout à fait ça. Mais cette question de la numérisation des cahiers de texte, des notes, etc., elle est vraiment excessivement grave, et moi je suis horrifiée de peu de réactions par rapport à ça. Alors, en tant que maman, cette fois, pas en tant que professeur, mon fils est dans un collège qui est entièrement numérisé. Bientôt, ils iront plus. Hein. J'ai cru, quand on m'a dit ça, j'ai cru que c'était virtuel. J'ai commencé à angoisser. Je me suis dit, mon Dieu, mon fils à la maison toute la journée. On m'a dit, il est dans un collège numérique. Et effectivement, il n'a plus de manuel scolaire, pourquoi pas. Donc, tout est sur Internet. Et je peux aller voir ses notes. Et en fait, j'ai été prise d'angoisse. Je me suis dit, mon Dieu, mon fils n'a plus la liberté de me cacher ses notes. Ce qui est un truc, ça aussi pour l'apprentissage de l'esprit critique, on a tous caché nos notes. Enfin, presque. Et je me suis dit, mais je ne peux pas lui faire ça. J'ai paumé mon code, j'y vais jamais, ça m'angoisse, je ne vais jamais sur ce truc. Mais ça m'a vraiment interrogée en tant que mère, mais aussi en tant que professeur. C'est-à-dire que c'est une forme de décloisonnement entre l'espace scolaire et l'espace familial, qui est extrêmement délétère aussi, parce que bon, je veux bien mettre les parents dans l'école, blablabla, tout ça, ok, pourquoi pas. Mais l'école est quand même un lieu qui doit aussi se penser de façon imperméable face au reste, parce que c'est aussi un lieu de construction de l'individu, parmi d'autres. Hein? Et que les porosités qui se font avec l'espace public ou avec la sphère familiale sont des porosités qui doivent aussi jouer de la cachotterie, des interdits, de tout ce qui fait qu'on se construit comme individu, y compris en opposition à ses parents. Voilà. Et ça, ça n'est absolument pas pensé. Et au nom de quelque chose qui devient extrêmement utile, ce que je disais en commençant cet exposé, c'est formidable de rentrer ses notes sur un truc, c'est formidable que les parents y aient accès, etc. On peut envoyer des mails aux profs. Voilà. Au nom de tout ça, de choses qui fluidifient, ben, en réalité, on est en train de déconstruire aussi ce qui fonde l'autonomie des espaces éducatifs, des espaces d'éducation, ou en tout cas la singularité des espaces d'éducation et des espaces d'enseignement. Mais oui. Mais il faut qu'on le théorise, parce que comme ça, ça donne des arguments pour dire non, je ne le ferai pas. Alors, je voudrais revenir sur cette idée de la fluidification du mouvement. Et là-dessus, je pense au travail d'un sociologue qui est Zygmunt Bauman, et qui a écrit, entre autres, un bouquin qui s'intitule « La vie liquide » et qui montre comment précisément les modes de fluidification, aussi bien de l'information que de la formation, que de la structuration, que également de la financiarisation, et dans les mêmes flux, sont des flux absolument destructeurs, qui créent une véritable forme de dérive. Et il montre comment cela, évidemment, génère, bien sûr, des formes de pouvoir, de nouvelles formes de rapport à la domination qui, pour être plus fluides, n'en sont au contraire plus puissantes. C'est aussi ce que montrait Foucault, en disant, bien sûr, à partir du moment où une société n'est plus une société disciplinaire, mais une société de contrôle, tous les rapports de domination, précisément parce qu'ils sont fluidifiés, sont de plus en plus insinuants, de plus en plus insinués, et de plus en plus inaperçus. Et par rapport à ça, je voudrais revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure sur cette histoire, mais finalement, on souhaite enseigner l'esprit critique, et puis en définitive, tout ce qu'on attend, c'est que notre discours soit gobé bien passivement. Et je voudrais vraiment revenir là-dessus, parce que précisément, cette manière, finalement, de bavasser, de discuter de ceci et de cela, de discuter d'autres choses, de ne pas écouter ce que quelqu'un est en train de dire, n'est absolument pas, n'est pas du tout un mode d'esprit critique. C'est exactement le contraire. C'est un mode de destruction totale de l'esprit critique, parce que ce qu'on n'a pas entendu, on ne peut en aucun cas le critiquer. Et ça fait partie de ce processus de fluidification. Je pense que ce mode, finalement, de transformation de l'espace de la transmission en un espace de du vague et de la confusion, c'est quelque chose qui va rigoureusement, non seulement à l'encontre de la transmission, mais surtout à l'encontre de la possibilité de s'opposer à la transmission. Il n'y a plus d'opposition possible, parce qu'il n'y a plus précisément ce contre quoi ou ce à quoi on peut s'affronter. Donc il n'y a plus d'affrontement. Et cet espace de non-affrontement, que devient en effet l'espace de la transmission, aussi bien dans le secondaire que dans le supérieur, c'est exactement la même chose, c'est finalement un véritable espace de déréliction sociale, de fluidification et en définitive de véritable domination. Et je crois qu'il faut vraiment le considérer de cette manière, c'est-à-dire que considérer que l'obligation de silence quand quelque chose se discute précisément et quand quelque chose est en débat, c'est une obligation qui est la condition même de l'émergence de l'esprit critique et pas du tout de sa destruction. Tu peux répondre ? Je ne suis pas du tout certaine de ça. Je ne suis pas du tout certaine de ça pour avoir observé ce qu'on appelle une écoute chez des adolescents. Je pense que les adolescents sont capables d'écouter, y compris lorsque d'autres choses se passent. Parce que, pour avoir pour le coup assisté à beaucoup de cours en tant que formatrice, J'ai pu constater, y compris d'ailleurs aussi à l'étranger, beaucoup, parce qu'à l'étranger, les cours se passent dans le bruit. C'est un truc que ça va de soi. Il n'y a pas du tout cette imposition. Bah, par exemple, tu parlais de Montréal, par exemple au Canada, c'est le cas. En Allemagne, dans le secondaire, vous avez énormément de cours qui se passent dans le bruit. Oui, oui. Mais parce que ce n'est pas le chahut, ce n'est pas l'idée de laisser les élèves raconter n'importe quoi. C'est l'idée de leur donner la possibilité aussi à un moment donné de réagir et de dire « Moi, ça, ce qu'elle dit là, je ne suis pas d'accord. Moi, ça, je pense ça. Moi, ça me rappelle ça. Ah tiens, ça me fait penser que nanana, que nanana. » Et ce n'est pas du tout, c'est pas du tout, à mon avis, pour un adolescent en posture uniquement passive d'écoute que peut se construire une posture critique de ce qui a été entendu. Alors, deuxième chose, en revanche, l'élève peut être mis en activité sur une question, comme on dit mettre en activité. C'est-à-dire qu'il peut être mis au travail sur une question, et dans ce cas, on n'est plus du tout dans une logique de transmission verticale. Il peut être mis sur, par exemple, un ensemble documentaire, là, et ensuite être mis en discussion et en situation de construction de savoir dans une forme d'activité qui n'est pas du tout une modalité transmissive, comme vous la décrivez, où on a le maître qui parle et les élèves qui obéissent. Alors, j'insiste sur le fait que l'écoute silencieuse n'est absolument pas une écoute passive. Là, nous avons été silencieux pour vous écouter. Mais vous n'êtes pas dans l'école. Et je ne pense pas qu'on était passif. Oui, mais vous n'êtes pas dans l'école. Mais j'y ai été comme élève. J'y suis comme enseignante. Mais nous sommes tous des bons élèves. Non, bah, pas du tout. Ah non, j'étais quelqu'un particulièrement... Mais sauf qu'on a des dents, sauf que... Non, absolument pas. Non, absolument pas. Et justement, par rapport à ça, c'est ça que je voudrais dire. C'est-à-dire que justement, le moment de cette espèce de dispersion, c'est le moment où en réalité, l'échange ne se fait pas. Et donc, le silence n'est pas une forme de passivité, pas du tout. C'est au contraire, c'est le moment où on aiguise ses arguments. Et c'est le moment où on prépare ce qu'on va répondre, la question qu'on va poser, l'objection qu'on va faire, etc., etc., qui sont nécessaires pour que puisse s'instaurer quelque chose qui soit de l'ordre d'un échange. Sinon, il n'y a pas d'échange. Quand vous avez 30 personnes face à vous et que chacun raconte la sienne dans son coin, il n'y a absolument aucun échange possible. Et pour moi, cette obstruction à l'échange, elle est extrêmement préjudiciable à quelque chose qui est justement l'esprit critique. L'échange dans une classe, ça ne se fait pas qu'entre les élèves et l'enseignant. Non, il se fait aussi entre élèves. Mais à la condition que chacun puisse entendre, que chacun dit à l'autre, ce qui est impossible si tout le monde parle en même temps. Voilà. Ce que tu décris là, ça fait beaucoup penser aux méthodes d'enseignement, nord-américaines, qui d'ailleurs dérivent aussi de la disputation médiévale. Procède justement par échange d'arguments, par opposition avec des temps de lectio, au contraire, où là il y a une parole, etc. J'aurais quand même tendance à dire que ça participe de cette espèce de phénomène d'euphémisation générale de la hiérarchie et de la violence, qui a pour résultat en fait une domination bien plus sûre et bien plus générale, où il est beaucoup plus difficile de s'extirper. Ce type de situation définitive. Il y a clairement un rejet de la parole, etc., dans ce type de situation. Non, pas forcément. Pas forcément. Non, mais parce que là, on est en train de raisonner sur du vent, mais en situation, moi, j'ai vu des cours pour lesquels les gamins avaient beaucoup mieux assimilé les choses, alors que c'était des cours qui étaient des cours qui s'étaient passés dans ce que moi je peux qualifier de chahut. Et à l'inverse, j'ai vu aussi dans des situations de stagiaires, des stagiaires sortir et dire « Ah, j'ai fait un cours sur le racisme, ça veut rien dire un cours sur le racisme, hein, déjà. Mais j'ai fait un cours sur le racisme, c'était vraiment, ça s'est hyper bien passé, ils m'ont tous hyper écouté. » Voilà un exemple, tiens, ça me revient. Et ils m'ont tous hyper écouté, ils étaient comme ça, ils étaient tous hyper contents, le racisme c'est mal, oui, toc, et à la fin ils sont sortis et ils se sont tous insultés, il y en a un qui a dit à l'autre espèce de gros nez ou grosse bouche. Et donc le jeune prof me dit, je comprends pas. Ça c'est typiquement aussi, mais oui, mais... Ça c'est quand même très... très caricatural. Bah, c'est pas caricatural, c'est exactement ce qui s'est passé. Non, mais je sais que c'est ce qui... Non, mais je veux dire, prendre ça comme exemple, c'est très caricatural. Non. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, il ne s'agit pas qu'il y ait une opposition entre, d'une part, des gens qui écoutent béatement et soi-même, qui est particulièrement fier d'avoir un petit peu un auditoire à ses pieds, et d'autre part, une espèce de truc où chacun chante la sienne. Ah, mais on est d'accord. Je pense que l'alternative n'est pas là. Bien sûr, bien sûr. Donc, la question, c'est surtout que là où il peut avoir, là où, d'ailleurs, il y avait, par exemple, pour reprendre l'exemple de la disputation, dans la disputation, chacun écoute. Au moment où quelqu'un parle, il est écouté. Le problème, c'est qu'il y a un phénomène, qui est quand même un phénomène très actuel, qui est très contemporain, qui est le phénomène du zapping. On passe d'un truc à l'autre, on clique sur ceci ou sur cela, et donc finalement, quelqu'un qui est en face de vous en train de parler, ou quelqu'un qui parle, y compris pendant que vous êtes en train de parler, c'est juste un phénomène de zapping. On passe d'un truc à l'autre. Et on clique pour effectivement circuler toujours dans cette espèce de fluidification. Et cette espèce de phénomène de fluidification, d'abord, c'est un phénomène épuisant, qui est reconnu par les élèves eux-mêmes. Ils sont totalement épuisés par ça. Ils sortent d'un cours où tout le monde a chanté la sienne, mais littéralement vannés. Ils sortent d'un cours où simplement on leur dit « Ok, d'accord, on parle, mais maintenant écoutez-vous les uns les autres. » Et quand quelqu'un parle, les autres, taisez-vous pour l'écouter. Ils ne sont pas à genoux devant le prof et ils ne sont pas épuisés en sortant. Et il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre, encore une fois, d'un échange. La transmission n'est pas nécessairement exclusivement verticale, bien que de toute manière elle le soit quand même, parce qu'au final il y a des examens à passer, il y a des épreuves, il y a des machins qui nécessitent qu'une transmission se fasse. Mais elle n'est pas nécessairement intégralement verticale, elle peut se passer à certains moments de manière tout à fait horizontale, mais qu'il y ait verticalité ou qu'il y ait horizontalité, quoi qu'il en soit, il doit y avoir écoute. Et à partir du moment où l'écoute est rendue impossible, c'est ni vertical, ni horizontal, ni en diagonale, ni rien, c'est juste du flux. Et là, on est devant véritablement une véritable vacuité. Et je crois que c'est ce danger-là qu'il faut vraiment pointer. Si je puis me permettre, en fait, ce qui est interrogé là, c'est deux configurations. Il y a une première configuration qui est celle de la transmission d'un savoir ou de la construction d'un savoir, ce qui n'est pas tout à fait le même point de vue. Et l'autre configuration qui est interrogée, c'est celle des usages sociaux, en fait, du silence au singulier, des silences au pluriel, de la parole au singulier et des paroles au pluriel. Et en fait, c'est assez difficile de résoudre ça à quelques cas de figure ou à quelques exemples sans prendre en compte en fait, la complexité des situations. C'est-à-dire que finalement, le chahut ou les chahuts, les bavardages ou le bavardage peuvent signifier une chose et son contraire. Elles peuvent signifier une position d'apprentissage dans le cadre d'une configuration de transmission ou de construction de savoir, et ça peut également signifier, et on le voit y compris dans les vieilles archives, des formes de dissidence. Quand on a quelqu'un qui prend la parole ou qui va rendre compte de son ministère public auprès d'une population, l'opposition peut être signifiée tout simplement par le chahut. Donc en fait, je pense que il faut tout simplement, ou c'est peut-être la difficulté, c'est prendre en compte finalement la complexité des situations qui finalement s'égrènent et jouent sur ce champ des possibles qui en fait oppose la parole au silence, au singulier comme au pluriel. Mais voilà, je pense que c'est un joli terrain d'interrogation en tout cas. Et ce qui se passe à partir d'éthique, technologie d'information et de la communication, dans le brouillage, disons, d'une sorte d'espace privé au sein même d'un espace public, par le transport de cet espace-là, de l'école, hein, l'exemple que vous avez indiqué, de l'école à la maison, je peux contrôler mon enfant, comme les parents, j'achète un portable à mon gosse parce qu'il y a une appli dessus qui me permet de savoir où il est. Et quand il part à l'école le matin, c'est moi qui lui dis « n'oublie pas ton téléphone bon. ». On a toutes ces choses-là qui pourraient être finalement renvoyées. Ces choses-là ont lieu, elles ne sont pas interrogé. Vous tombez dessus, voilà. Et à aucun moment, ça ne donne lieu à un questionnement qui pourrait être renvoyé à l'école et dont on pourrait faire un sujet, comme disait Frédéric, un sujet d'étude à l'éducation A ou l'éducation citoyenne des élèves qui sont là et qui sont confrontés à cette réalité bien concrète du contrôle sur leurs gestes qu'ils auront tout le reste de leur vie. Les GPS sur les camions aussi, d'abord c'était très bien pour aider les gens, pour que les conducteurs puissent trouver leur chemin. Ensuite, c'est devenu un système de contrôle en temps réel qui fait que, par exemple, j'avais vu ça à la télé, un brave gars qui passait devant un restaurant où il avait l'habitude de s'arrêter avant, parce qu'il y avait une piscine, ça permettait de... Voilà, c'était un routier international. Bon, eh bien, fini. Depuis qu'ils ont installé ça, il devait passer parce que c'était pas dans son créneau de pause. Voilà. Bon. On a ces contrôles-là, on a les... La bibliométrie qui servait d'abord à analyser l'intérêt de travaux comme ça au sein de la communauté scientifique et qui est devenu aussi un instrument de contrôle. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, justement, au lieu de faire par exemple X critique, la pensée critique, la machin critique, la compétence, voilà, faire inverser aussi les choses, la critique de la pensée, la pratique critique, la critique de la. Des pratiques de contrôle. On pourrait faire peut-être une sorte de pédagogie citoyenne, du coup. Alors, du coup, avec une complicité de la famille et des parents, puisque les enfants, oui, comme vous dites, être critique, c'est dire c'est pas vrai, c'est pouvoir dire c'est pas vrai, c'est pas bien, voilà, morale et vérité, quoi. Essayer de faire rentrer finalement, d'abord d'être sensible à tout ce qui connecte l'espace scolaire à l'espace de vie familiale, de vie sociale, de ce que bien sûr nous considérons de manière acritique comme allant de soi. Je t'ai acheté un téléphone, il est normal que du coup je m'en sers pour te contrôler, pour savoir où tu vas, etc. Bon, et que ceci soit intégré dans les programmes, dans des phases quoi, scolaires, enfin, je ne sais pas. Mais ça n'appelait pas de réponse particulière. Et nous sommes peut-être, nous allons peut-être. Oui, oui, Joël. Je pose une question sur les variétés d'approche assez saine de la situation. Vous n'êtes pas parti des programmes et je me demandais, enfin moi j'ai un petit peu l'impression, mais je suis complètement extérieur à la découverte, que notamment en maths et en français, il y a moins de. Enfin, on a parlé par exemple que les démonstrations, il n'y a plus de démonstration en maths, alors je crois que ce n'est pas complètement vrai d'après quelques collègues, mais bon, donc, visiblement que parce que pour moi la démonstration, évidemment en maths c'est la critique, hein, c'est ce qui forme ça, et donc en français il y a plus de dissertations, choses comme ça. Et donc, en fait, est-ce que, enfin, j'ai un peu l'impression que les programmes sont à la fois renforcés, bien, plus généraux et tout ça. Moi, je me souviens d'avoir vu, même il y a 15 ans, le programme de biologie de terminale D dans un bouquin. Et franchement, je donne la licence de biologie à quelqu'un qui connaît ce truc-là. Quoi. Enfin, mais sans blaguer, hein, je parlais même de bioinformatique, alors que nous, on n'ose même pas en parler. On dit, et donc, et je me demandais, est-ce que, justement, il y a une sorte de. Enfin, vous l'avez un petit peu évoqué dans les programmes d'histoire. Et est-ce que le. Il n'y a pas un étalement, je suis en train de regarder là, j'ai l'air d'être très, très impoli parce que c'est le seul. J'ai mon document sur les occurrences critiques. Du coup, en vous écoutant, je suis en train de regarder en français. Oui, place importante, comme partout, de la critique. Après, je ne peux pas vous dire sur les programmes comment ça. Il ne me semblait pas qu'on ne faisait plus de dissertation en français, j'ai l'impression, je crois qu'on en fait encore, mais là j'ai pas du tout tous les programmes en tête. Donc peut-être que dans votre discipline, dans ce cas, par rapport à l'histoire, est-ce que vous avez l'impression qu'on survole plus les choses sans les. Ah oui, ça j'en ai un petit peu parlé. Oui, bien sûr, on les survole, on n'a pas le choix, on les survole si on répond aux commandes de l'inspection. On ne peut que les survoler. Si, comme moi, on n'y répond pas, on peut y prendre beaucoup de temps. Et du coup, ça peut s'entir sur certaines choses. avoir des moments alternatifs d'études qui alternent, on est d'accord en réalité, mais entre des moments d'écoute et entre des moments de construction, d'activité, etc. Donc voilà, mais si après on répond à l'injonction de l'évaluation par l'inspection, qui est très très forte, hein, qui est une vraie coercition, c'est très, j'en rigole un petit peu, mais ça provoque énormément de souffrance au travail. L'inspection, c'est de pire en pire. Hein. D'ailleurs, si vous êtes à l'ESP, ne jouez pas avec ça, attendez quelques années, parce qu'ils peuvent devenir très méchants, parce qu'eux-mêmes, d'ailleurs, hein, pourraient aussi introduire le statut d'inspecteur dans des séminaires critiques, parce qu'eux-mêmes sont soumis à des injonctions qui sont très très difficiles, et eux-mêmes ont un devoir de rentabilité qui est très fort. Donc tout ça, évidemment, est très bien guidé pour le coup. Mais si on répond donc à la lourdeur des programmes tels qu'ils sont libellés et aussi à ce que je disais un petit peu, à la forme qui leur est donnée, notamment dans les injonctions de pratique, oui, on est dans le survol, on est dans une cadence. Alors si, bien sûr, on est obligé de le faire pour les années à examen. Ça, en revanche, on n'a pas le choix. Et c'est pour ça qu'on a un gamin qui balance sa feuille en disant « Mais qui suis-je pour critiquer ?» Parce que oui, j'ai pas le temps de lui dire. Et du coup, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais ça se reporte uniquement sur la question de la méthode, ce qui est anti-critique au possible. C'est-à-dire qu'en réalité, pour pouvoir faire le commentaire critique, les gamins ils veulent des trucs de méthode, ils veulent des fiches de méthode, ils veulent une méthode pour critiquer. Voilà, donc on en revient en fait à quelque chose qui va totalement normaliser la méthode de la critique. Et ils ont besoin de trucs, bon bref, après c'est des trucs un peu, c'est de l'ingénierie professionnelle. C'est très intéressant, mais il faut que nous... Ouais, il faut qu'on avance. Intervenant, Julien.